Fantine, livre 7e. L'affaire Champmathieu. Chapitre 1. La sœur Simplice. Les incidents qu'on va lire n'ont pas tous été connus à Montreuil-sur-Mer, mais le peu qui en a percé a laissé dans cette ville un tel souvenir que ce serait une grave lacune dans ce livre si nous ne les racontions dans leurs moindres détails. Dans ces détails, le lecteur rencontrera deux ou trois circonstances invraisemblables que nous maintenons par respect pour la vérité. Dans l'après-midi qui suivit la visite de Javert, M. Madeleine alla voir la Fantine comme d'habitude. Avant de pénétrer près de Fantine, il fit demander la sœur Simplice. Les deux religieuses qui faisaient le service de l'infirmerie, dames lazaristes, comme toutes les sœurs de charité, s'appelaient sœur Perpétue et sœur Simplice. La sœur Perpétue était la première villageoise venue, grossièrement sœur de charité, entrée chez Dieu comme on entre en place. Elle était religieuse comme on est cuisinière. Ce type n'est point très rare. Les ordres monastiques acceptent volontiers cette lourde poterie paysanne, aisément façonnée en capucin ou en ursuline. Ces rusticités s'utilisent pour les grosses besognes de la dévotion. La transition d'un bouvier à un carme n'a rien de heurté. L'un devient l'autre sans grand travail. Le fond commun d'ignorance du village et du cloître est une préparation toute faite, et met tout de suite le campagnard de plein pied avec le moine. Un peu d'ampleur au sarrau, et voilà un froc. La sœur Perpétue était une forte religieuse, de marine prépontoise, patoisant, psalmodiant, bougonnant, sucrant la tisane selon le bigotisme ou l'hypocrisie du grabataire, brusquant les malades, bourrue avec les mourants, leur jetant presque Dieu au visage, lapidant l'agonie avec des prières en colère, hardie, honnête et rougeaude. La sœur Simplice était blanche d'une blancheur de cire. Près de sœur Perpétue, c'était le cierge à côté de la chandelle. Vincent de Paul a divinement fixé la figure de la sœur de charité dans ses admirables paroles où il mêle tant de liberté à tant de servitude. Elles n'auront pour monastère que la maison des malades, pour cellule qu'une chambre de louage, pour chapelle que l'église de leur paroisse, pour cloître que les rues de la ville ou les salles des hôpitaux, pour clôture que l'obéissance, pour grille que la crainte de Dieu, pour voile que la modestie. Cet idéal était vivant dans la sœur Simplice. Personne n'eût pu dire l'âge de la sœur Simplice. Elle n'avait jamais été jeune et semblait ne devoir jamais être vieille. C'était une personne, nous n'osons dire une femme, calme, austère, de bonne compagnie, froide et qui n'avait jamais menti. Elle était si douce qu'elle paraissait fragile, plus solide d'ailleurs que le granit. Elle touchait aux malheureux avec de charmants doigts fins et purs. Il y avait, pour ainsi dire, du silence dans sa parole. Elle parlait juste le nécessaire, et elle avait un son de voix qui eût tout à la fois édifié un confessionnal et enchanté un salon. Cette délicatesse s'accommodait de la robe de bure, trouvant à ce rude contact un rappel continuel du ciel et de Dieu. Insistons sur un détail. N'avoir jamais menti, n'avoir jamais dit, pour un intérêt quelconque, même indifféremment, une chose qui ne fût la vérité, la sainte vérité. C'était le trait distinctif de la sœur Simplice. C'était l'accent de sa vertu. Elle était presque célèbre dans la congrégation pour cette véracité imperturbable. L'abbé Sicard parle de la sœur Simplice dans une lettre au sourd muet Massieu. Si sincère, si loyaux et si purs que nous soyons, nous avons tous sur notre candeur au moins la fêlure du petit mensonge innocent. Elle, point. Petit mensonge, Mensonge innocent? Est-ce que cela existe? Mentir, c'est l'absolu du mal. Peu mentir n'est pas possible. Celui qui ment, ment tout le mensonge. Mentir, c'est la face même du démon. Satan a deux noms. Il s'appelle Satan et il s'appelle mensonge. Voilà ce qu'elle pensait. Et comme elle pensait, elle pratiquait. Il en résultait cette blancheur dont nous avons parlé. Blancheur qui couvrait de son rayonnement même ses lèvres et ses yeux. Son sourire était blanc, son regard était blanc. Il n'y avait pas une toile d'araignée, pas un grain de poussière à la vitre de cette conscience. En entrant dans l'obédience de saint Vincent de Paul, elle avait pris le nom de Simplice par choix spécial. Simplice de Sicile, on le sait, et cette sainte qui aima mieux se laisser arracher les deux seins que de répondre, étant née à Syracuse, qu'elle était née à ses gestes, mensonge qui la sauvait. Cette patronne convenait à cette âme. La sœur Simplice, en entrant dans l'ordre, avait deux défauts dont elle s'était peu à peu corrigée. Elle avait eu le goût des friandises et elle avait aimé à recevoir des lettres. Elle ne lisait jamais qu'un livre de prière en gros caractères et en latin. Elle ne comprenait pas le latin, mais elle comprenait le livre. La pieuse fille avait pris en affection Fantine, y sentant probablement de la vertu latente, et s'était dévouée à la soigner presque exclusivement. Monsieur Madeleine emmena à part la sœur Simplice et lui recommanda Fantine avec un accent singulier dont la sœur se souvint plus tard. En quittant la sœur, il s'approcha de Fantine. Fantine attendait chaque jour l'apparition de monsieur Madeleine, comme on attend un rayon de chaleur et de joie. Elle disait aux sœurs « Je ne vis que lorsque monsieur le maire est là. » Elle avait ce jour-là beaucoup de fièvre. Dès qu'elle vit M. Madeleine, elle lui demanda « Et Cosette ?» Il répondit en souriant « Bientôt. » M. Madeleine fut avec Fantine comme à l'ordinaire. Seulement, il resta une heure au lieu d'une demi-heure, au grand contentement de Fantine. Il fit mille instances à tout le monde pour que rien ne manquât à la malade. On remarqua qu'il y eut un moment où son visage devint très sombre, mais cela s'expliqua quand on sut que le médecin s'était penché à son oreille et lui avait dit « Elle baisse beaucoup ». Puis il rentra à la mairie, et le garçon de bureau le vit examiner avec attention une carte routière de France qui était suspendue dans son cabinet. Il écrivit quelques chiffres au crayon sur un papier. Chapitre 2. Perspicacité de Maître Scaufflair. De la mairie, il se rendit au bout de la ville chez un flamand, Maître Scaufflair, francisé Scaufflair, qui louait des chevaux et des cabriolets à volonté. Pour aller chez ce Scaufflair, le plus court était de prendre une rue peu fréquentée où était le presbytère de la paroisse que M. Madeleine habitait. Le curé était, disait-on, un homme digne et respectable, et de bons conseils. À l'instant où M. Madeleine arriva devant le presbytère, il n'y avait dans la rue qu'un passant, et ce passant remarqua ceci. « Monsieur le maire, après avoir dépassé la maison curiale, s'arrêta, demeura immobile, puis revint sur ses pas et rebroussa chemin jusqu'à la porte du presbytère, qui était une porte bâtarde avec marteau de fer. Il mit vivement la main au marteau et le souleva. Puis il s'arrêta de nouveau et resta court et comme pensif. Et après quelques secondes, au lieu de laisser bruyamment retomber le marteau, il le reposa doucement et reprit son chemin avec une sorte de hâte qu'il n'avait pas auparavant. Monsieur Madeleine trouva Maître Scaufflair chez lui, occupé à repiquer un harnais. « Maître Scaufflair, demanda-t-il, avez-vous un bon cheval ?»« Monsieur le maire, dit le flamand, tous mes chevaux sont bons. Qu'entendez-vous par un bon cheval ? » J'entends un cheval qui puisse faire 20 lieues en un jour. Diable ! Fit le flamand. 20 lieues ? Oui. Attelé à un cabriolet ? Oui. Et combien de temps se reposera-t-il après la course ? Il faut qu'il puisse au besoin repartir le lendemain. Pour refaire le même trajet ? Oui. Diable ! Diable ! Et c'est 20 lieues ? Monsieur Madeleine tira de sa poche le papier où il avait crayonné des chiffres. Il les montra au flamand. C'étaient les chiffres 5, 6, 8 et demi. « Vous voyez, dit-il, total 19 et demi, autant dire 20 lieues. »« Monsieur le maire, reprit le flamand, j'ai votre affaire, mon petit cheval blanc. Vous avez dû le voir passer quelquefois. C'est une petite bête du bas boulonnais. C'est plein de feu. » On a voulu d'abord en faire un cheval de selle. Bah, il ruait, il flanquait tout le monde par terre. On le croyait vicieux, on ne savait qu'en faire. Je l'ai acheté, je l'ai mis au cabriolet. Monsieur, c'est cela qu'il voulait. Il est doux comme une fille, il va le vent. Ah, par exemple, il ne faudrait pas lui monter sur le dos. Ce n'est pas son idée d'être cheval de selle. Chacun a son ambition. Tirer, oui. Porté, non. Il faut croire qu'il s'est dit ça. Et il fera la course ? Vaut 20 lieues, toujours au grand trot et en moins de 8 heures. Mais voici à quelles conditions. Dites. Premièrement, vous le ferez souffler 1 heure à moitié chemin. Il mangera et on sera là pendant qu'il mangera pour empêcher le garçon de l'auberge de lui voler son avoine. Car j'ai remarqué que dans les auberges, l'avoine est plus souvent bue par les garçons d'écurie que mangée par les chevaux. On sera là. Deuxièmement, est-ce pour monsieur le maire le cabriolet ? Oui. Monsieur le maire sait conduire ? Oui. Eh bien, monsieur le maire voyagera seul et sans bagage, afin de ne point charger le cheval. Convenu. Mais monsieur le maire, n'ayant personne avec lui, sera obligé de prendre la peine de surveiller lui-même l'avoine. C'est dit. Il me faudra 30 francs par jour, les jours de repos payés, pas un liard de moins, et la nourriture de la bête à la charge de monsieur le maire. Monsieur Madeleine tira 3 napoléons de sa bourse et les mit sur la table. Voilà 2 jours d'avance. Quatrièmement, pour une course pareille, un cabriolet serait trop lourd et fatiguerait le cheval. Il faudrait que monsieur le maire consentît à voyager dans un petit tilbury que j'ai. J'y consens. C'est léger, mais c'est découvert. Cela m'est égal. Monsieur le maire a-t-il réfléchi que nous sommes en hiver ? Monsieur Madeleine ne répondit pas. Le flamand reprit. Qu'il fait très froid. Monsieur Madeleine garda le silence. Maître Scaufflair continua. Qu'il peut pleuvoir. Monsieur Madeleine leva la tête et dit. Le tilbury et le cheval seront devant ma porte demain à 4h30 du matin. C'est entendu, monsieur le maire, répondit Scaufflair. Puis, grattant avec l'ongle de son pouce une tache qui était dans le bois de la table, il reprit de cet air insouciant que les flamands savent si bien mêler à leur finesse. « Mais voilà que j'y songe à présent. Monsieur le maire ne me dit pas où il va. Où est-ce que va monsieur le maire ?» Il ne songeait pas à autre chose depuis le commencement de la conversation. Mais il ne savait pourquoi il n'avait pas osé faire cette question. « Votre cheval a-t-il de bonnes jambes de devant ?» dit monsieur Madeleine. « Oui, monsieur le maire, vous le soutiendrez un peu dans les descentes. Y a-t-il beaucoup de descentes d'ici où vous allez ?»« N'oubliez pas d'être à ma porte à 4h30 du matin, très précise, » répondit monsieur Madeleine. Et il sortit. Le flamand resta tout bête, comme il disait lui-même quelque temps après. Monsieur le maire était sorti depuis 2 ou 3 minutes lorsque la porte se rouvrit. C'était monsieur le maire. Il avait toujours le même air impassible et préoccupé. « Monsieur Scaufflaire, dit-il, à quelle somme estimez-vous le cheval et le tilbury que vous me louerez, l'un portant l'autre ?»« L'un traînant l'autre, monsieur le maire, dit le flamand avec un gros rire. « Soit, eh bien, est-ce que monsieur le maire veut me les acheter ?»« Non, mais à tout événement, je veux vous les garantir. À mon retour, vous me rendrez la somme. À combien estimez-vous cabriolet et cheval ?»« À 500 francs, monsieur le maire. Les voici. » Monsieur Madeleine posa un billet de banque sur la table, puis sortit, et cette fois ne rentra plus. Maître Scaufflaire regretta affreusement de n'avoir point dit 1000 francs. Du reste, le cheval et le tilbury en bloc valaient 100 écus. Le flamand appela sa femme et lui conta la chose. « Où diable monsieur le maire peut-il aller ?» Ils tinrent conseil. « Il va à Paris, » dit la femme. « Je ne crois pas, » dit le mari. Monsieur Madeleine avait oublié sur la cheminée le papier où il avait tracé des chiffres. Le flamand le prit et l'étudia. 5, 6, 8,5. Cela doit marquer des relais de poste. » Il se tourna vers sa femme. « J'ai trouvé. »« Comment ? » ?»« Il y a 5 lieues d'ici à Hesdin, 6 de Hesdin à Saint-Paul, 8,5 de Saint-Paul à Arras. Il va à Arras. » Cependant, M. Madeleine était rentré chez lui. Pour revenir de chez Maître Scaufflaire, il avait pris le plus long, comme si la porte du presbytère avait été pour lui une tentation et qu'il eût voulu l'éviter. Il était monté dans sa chambre et s'y était enfermé, ce qui n'avait rien que de simple, car il se couchait volontiers de bonne heure. Pourtant, la concierge de la fabrique, qui était en même temps l'unique servante de M. Madeleine, observa que sa lumière s'éteignit à 8h30, et elle le dit au caissier qui rentrait en ajoutant « Est-ce que monsieur le maire est malade ? Je lui ai trouvé l'air un peu singulier. » Ce caissier habitait une chambre située précisément au-dessous de la chambre de monsieur Madeleine. Il ne prit point garde aux paroles de la portière, se coucha et s'endormit. Vers minuit, il se réveilla brusquement. Il avait entendu à travers son sommeil un bruit au-dessus de sa tête. Il écouta. C'était un pas qui allait et venait, comme si l'on marchait dans la chambre en haut. Il écouta plus attentivement et reconnut le pas de M. Madeleine. Cela lui parut étrange. Habituellement, aucun bruit ne se faisait dans la chambre de M. Madeleine avant l'heure de son lever. Un moment après, le caissier entendit quelque chose qui ressemblait à une armoire qu'on ouvre et qu'on referme. Puis on dérangea un meuble. Il y eut un silence et le pas recommença. Le caissier se dressa sur son séant, s'éveilla tout à fait, regarda, et à travers les vitres de sa croisée, aperçut sur le mur d'en face la réverbération rougeâtre d'une fenêtre éclairée. À la direction des rayons, ce ne pouvait être que la fenêtre de la chambre de M. Madeleine. La réverbération tremblait, comme si elle venait plutôt d'un feu allumé que d'une lumière. L'ombre des châssis vitrés ne s'y dessinait pas, ce qui indiquait que la fenêtre était toute grande ouverte. Par le froid qu'il faisait, cette fenêtre ouverte était surprenante. Le caissier se rendormit. 1 ou 2 heures après, il se réveilla encore. Le même pas, lent et régulier, allait et venait toujours au-dessus de sa tête. La réverbération se dessinait toujours sur le mur, mais elle était maintenant pâle et paisible, comme le reflet d'une lampe ou d'une bougie. La fenêtre était toujours ouverte. Voici ce qui se passait dans la chambre de M. Madeleine. Chapitre 3. Une tempête sous un crâne. Le lecteur a sans doute deviné que M. Madeleine n'est autre que Jean Valjean. Nous avons déjà regardé dans les profondeurs de cette conscience. Le moment est venu d'y regarder encore. Nous ne le faisons pas sans émotion et sans tremblement. Il n'existe rien de plus terrifiant que cette sorte de contemplation. L'œil de l'esprit ne peut trouver nulle part plus d'éblouissement ni plus de ténèbres que dans l'homme. Il ne peut se fixer sur aucune chose qui soit plus redoutable, plus compliquée, plus mystérieuse et plus infinie. Il y a un spectacle plus grand que la mer, c'est le ciel. Il y a un spectacle plus grand que le ciel, c'est l'intérieur de l'âme. Faire le poème de la conscience humaine, ne fût-ce qu'à propos d'un seul homme, ne fût-ce qu'à propos du plus infime des hommes, ce serait fondre toutes les épopées dans une épopée supérieure et définitive. La conscience, c'est le chaos des chimères, des convoitises et des tentatives, la fournaise des rêves, l'antre des idées dont on a honte. C'est le pandémonium des sophismes, c'est le champ de bataille des passions. À de certaines heures, pénétrez à travers la face livide d'un être humain qui réfléchit, et regardez derrière, regardez dans cette âme, regardez dans cette obscurité. Il y a là, sous le silence extérieur, des combats de géants comme dans Homère, des mêlées de dragons et d'hydres et des nuées de fantômes comme dans Milton, des spirales visionnaires comme chez Dante. Chose sombre que cet infini, que tout homme porte en soi, et auquel il mesure avec désespoir les volontés de son cerveau et les actions de sa vie. Alighieri rencontra un jour une sinistre porte devant laquelle il hésita. En voici une aussi devant nous, au seuil de laquelle nous hésitons. Entrons pourtant. Nous n'avons que peu de choses à ajouter à ce que le lecteur connaît déjà de ce qui était arrivé à Jean Valjean depuis l'aventure du petit Gervais. À partir de ce moment, on l'a vu, il fut un autre homme. Ce que l'évêque avait voulu faire de lui, il l'exécuta. Ce fut plus qu'une transformation, ce fut une transfiguration. Il réussit à disparaître, vendit l'argenterie de l'évêque, ne gardant que les flambeaux comme souvenir, se glissa de ville en ville, traversa la France, vint à Montreuil-sur-Mer, eut l'idée que nous avons dite, accomplit ce que nous avons raconté, parvint à se faire insaisissable et inaccessible, et désormais établi à Montreuil-sur-Mer, heureux de sentir sa conscience attristée par son passé et la première moitié de son existence démenti par la dernière. Il vécut paisible, rassuré et espérant, n'ayant plus que deux pensées, cacher son nom et sanctifier sa vie, échapper aux hommes et revenir à Dieu. Ces deux pensées étaient si étroitement mêlées dans son esprit qu'elles n'en formaient qu'une seule. Elles étaient toutes deux également absorbantes et impérieuses et dominaient ses moindres actions. D'ordinaire, elles étaient d'accord pour régler la conduite de sa vie. Elles le tournaient vers l'ombre. Elles le faisaient bienveillant et simple. Elles lui conseillaient les mêmes choses. Quelquefois, cependant, il y avait conflit entre elles. Dans ce cas-là, on s'en souvient, l'homme que tout le pays de Montreuil-sur-Mer appelait Monsieur Madeleine ne balançait pas à sacrifier la première à la seconde, sa sécurité à sa vertu. Ainsi, en dépit de toute réserve et de toute prudence, il avait gardé les chandeliers de l'évêque, porté son deuil, appelé et interrogé tous les petits savoyards qui passaient, pris des renseignements sur les familles de Faverolles et sauvé la vie au vieux Fauchelevent, malgré les inquiétantes insinuations de Javert. Il semblait, nous l'avons déjà remarqué, qu'il pensa, à l'exemple de tous ceux qui ont été sages, saints et justes, que son premier devoir n'était pas envers lui. Toutefois, il faut le dire, jamais rien de pareil ne s'était encore présenté. Jamais les deux idées qui gouvernaient le malheureux homme dont nous racontons les souffrances n'avaient engagé une lutte si sérieuse. Il le comprit confusément, mais profondément, dès les premières paroles que prononça Javert en entrant dans son cabinet. Au moment où fut si étrangement articulé ce nom qu'il avait enseveli sous tant d'épaisseur, Il fut saisi de stupeur, et comme enivré par la sinistre bizarrerie de sa destinée. Et, à travers cette stupeur, il eut ce tressaillement qui précède les grandes secousses. Il se courba comme un chêne à l'approche d'un orage, comme un soldat à l'approche d'un assaut. Il sentit venir sur sa tête des ombres pleines de foudres et d'éclairs. Tout en écoutant parler Javert, il eut une première pensée d'aller, de courir, de se dénoncer, de tirer ce Champmathieu de prison et de s'y mettre. Cela fut douloureux et poignant, comme une incision dans la chair vive. Puis cela passa et il se dit « Voyons, voyons !» Il réprima ce premier mouvement généreux et recula devant l'héroïsme. Sans doute, il serait beau qu'après les saintes paroles de l'évêque, après tant d'années de repentir et d'abnégation, au milieu d'une pénitence admirablement commencée, cet homme, même en présence d'une si terrible conjoncture, n'eût pas bronché un instant et eût continué de marcher du même pas vers ce précipice ouvert au fond duquel était le ciel. Cela serait beau, mais cela ne fut pas ainsi. Il faut bien que nous rendions compte des choses qui s'accomplissent dans cette âme, et nous ne pouvons dire que ce qui était. Ce qui l'emporta tout d'abord, ce fut l'instinct de la conservation. Il rallia en hâte ses idées, étouffa ses émotions, considéra la présence de Javert, ce grand péril, ajourna toute résolution avec la fermeté de l'épouvante, s'étourdit sur ce qu'il y avait à faire et reprit son calme comme un lutteur ramasse son bouclier. Le reste de la journée, il fut dans cet état. Un tourbillon au-dedans, une tranquillité profonde au-dehors. Il ne prit que ce qu'on pourrait appeler les mesures conservatoires. Tout était encore confus et se heurtait dans son cerveau. Le trouble y était tel qu'il ne voyait distinctement la forme d'aucune idée. Et lui-même n'aurait pu rien dire de lui-même, si ce n'est qu'il venait de recevoir un grand coup. Il se rendit comme d'habitude près du lit de douleur de Fantine et prolongea sa visite par un instinct de bonté, se disant qu'il fallait agir ainsi et la bien recommander aux sœurs pour le cas où il arriverait qu'il eût à s'absenter. Il sentit vaguement qu'il faudrait peut-être aller à Arras. Et, sans être le moins du monde décidé à ce voyage, il se dit qu'à l'abri de tout soupçon comme il l'était, il n'y avait point d'inconvénient à être témoin de ce qui se passerait. Et il retint le tilbury de Scaufflaire afin d'être préparé à tout événement. Il dîna avec assez d'appétit. Rentré dans sa chambre, il se recueillit. Il examina la situation et la trouva inouïe. Tellement inouïe qu'au milieu de sa rêverie, par je ne sais quelle impulsion d'anxiété presque inexplicable, il se leva de sa chaise et ferma sa porte au verrou. Il craignait qu'il n'entrât encore quelque chose. Il se barricadait contre le possible. Un moment après, il souffla sa lumière. Elle le gênait. Il lui semblait qu'on pouvait le voir. Qui on? Hélas, ce qu'il voulait mettre à la porte était entré. Ce qu'il voulait aveugler le regardait. Sa conscience. Sa conscience, c'est-à-dire Dieu. Pourtant, dans le premier moment, il se fit illusion. Il eut un sentiment de sûreté et de solitude. Le verrou tiré, il se crut imprenable. La chandelle éteinte, il se sentit invisible. Alors il prit possession de lui-même. Il posa ses coudes sur la table, appuya la tête sur sa main et se mit à songer dans les ténèbres. Où en suis-je? Est-ce que je ne rêve pas? Que m'a-t-on dit? Est-il bien vrai que j'ai vu ce Javert et qu'il m'ait parlé ainsi? Que peut être ce Champmathieu? Il me ressemble donc? Est-ce possible? Quand je pense qu'hier j'étais si tranquille et si loin de me douter de rien. qu'est-ce que je faisais donc hier à pareille heure? Qu'y a-t-il dans cet incident? Comment se dénouera-t-il? Que faire? Voilà dans quelle tourmente il était. Son cerveau avait perdu la force de retenir ses idées. Elles passaient comme des ondes, et il prenait son front dans ses deux mains pour les arrêter. De ce tumulte qui bouleversait sa volonté et sa raison, et dont il cherchait à tirer une évidence et une résolution, rien ne se dégageait que l'angoisse. Sa tête était brûlante. Il alla à la fenêtre et l'ouvrit, toute grande. Il n'y avait pas d'étoiles au ciel. Il revint s'asseoir près de la table. La première heure s'écoula ainsi. Peu à peu, cependant, des linéaments vagues commencèrent à se former et à se fixer dans sa méditation. Et il put entrevoir, avec la précision de la réalité, non l'ensemble de la situation, mais quelques détails. Il commença par reconnaître que, si extraordinaire et si critique que fût cette situation, il en était tout à fait le maître. Sa stupeur ne fit que s'en accroître. Indépendamment du but sévère et religieux que se proposaient ses actions, tout ce qu'il avait fait jusqu'à ce jour n'était autre chose qu'un trou qu'il creusait pour y enfouir son nom. Ce qu'il avait toujours le plus redouté dans ses heures de repli sur lui-même, dans ses nuits d'insomnie, c'était d'entendre jamais prononcer ce nom. Il se disait que ce serait là pour lui la fin de tout, que le jour où ce nom reparaîtrait, il ferait évanouir autour de lui sa vie nouvelle, et qui sait même peut-être, au-dedans de lui, sa nouvelle âme. Il frémissait de la seule pensée que c'était possible. Certes, si quelqu'un lui eût dit en ces moments-là qu'une heure viendrait où ce nom retentirait à son oreille, où ce hideux mot, Jean Valjean, sortirait tout à coup de la nuit et se dresserait devant lui, où cette lumière formidable, faite pour dissiper le mystère dont il s'enveloppait, resplendirait subitement sur sa tête, et que ce nom ne le menacerait pas, que cette lumière ne produirait qu'une obscurité plus épaisse, que ce voile déchiré accroîtrait le mystère, que ce tremblement de terre consoliderait son édifice, que ce prodigieux incident n'aurait d'autre résultat, si bon lui semblait, à lui, que de rendre son existence à la fois plus claire et plus impénétrable, et que de sa confrontation avec le fantôme de Jean Valjean, le bon et digne bourgeois Monsieur Madeleine sortirait plus honoré, plus paisible et plus respecté que jamais, si quelqu'un lui eût dit cela. Il eût hoché la tête et regardé ses paroles comme insensées. Eh bien, tout cela venait précisément d'arriver. Tout cet entassement de l'impossible était un fait. Et Dieu avait permis que ces choses folles devinssent des choses réelles. Sa rêverie continuait de s'éclaircir. Il se rendait de plus en plus compte de sa position. Il lui semblait qu'il venait de s'éveiller de je ne sais quel sommeil et qu'il se trouvait glissant sur une pente au milieu de la nuit, debout, frissonnant, reculant en vain, sur le bord extrême d'un abîme. Il entrevoyait distinctement dans l'ombre un inconnu, un étranger, que la destinée prenait pour lui et poussait dans le gouffre à sa place. Il fallait, pour que le gouffre se refermât, que quelqu'un y tombât, lui ou l'autre. Il n'avait qu'à laisser faire. La clarté devint complète et il s'avoua ceci. Que sa place était vide aux galères, qu'il avait beau faire, qu'elle l'y attendait toujours, que le vol de petit Gervais l'y ramenait, que cette place vide l'attendrait et l'attirerait jusqu'à ce qu'il y fût, que cela était inévitable et fatal. Et puis il se dit qu'en ce moment, il avait un remplaçant, qu'il paraissait qu'un nommé Champmathieu avait cette mauvaise chance, et que, quant à lui, présent désormais au bagne dans la personne de ce Champmathieu, présent dans la société sous le nom de M. Madeleine, il n'avait plus rien à redouter, pourvu qu'il n'empêcha pas les hommes de sceller sur la tête de ce Champmathieu cette pierre de l'infamie, qui, comme la pierre du sépulcre, tombe une fois et ne se relève jamais. Tout cela était si violent et si étrange qu'il se fit soudain dans lui cette espèce de mouvement indescriptible qu'aucun homme n'éprouve plus de deux ou trois fois dans sa vie, sorte de convulsion de la conscience qui remue tout ce que le cœur a de douteux, qui se compose d'ironie, de joie et de désespoir, et qu'on pourrait appeler un éclat de rire intérieur. Il ralluma brusquement sa bougie. « Eh bien quoi ? » se dit-il. « De quoi est-ce que j'ai peur ? Qu'est-ce que j'ai à songer comme cela ? Me voilà sauvé ! Tout est fini ! Je n'avais plus qu'une porte entr'ouverte par laquelle mon passé pouvait faire irruption dans ma vie. Cette porte, la voilà murée, à jamais ! Ce Javert qui me trouble depuis si longtemps, ce redoutable instinct qui semblait m'avoir deviné, qui m'avait deviné par Dieu, et qui me suivait partout, cet affreux chien de chasse toujours en arrêt sur moi. Le voilà dérouté, occupé ailleurs, absolument dépisté. Il est satisfait désormais, il me laissera tranquille, il tient son Jean Valjean. Qui sait même, il est probable qu'il voudra quitter la ville. Et tout cela s'est fait sans moi, et je n'y suis pour rien. Ah ça, mais qu'est-ce qu'il y a de malheureux dans ceci? Des gens qui me verraient, parole d'honneur, croiraient qu'il m'est arrivé une catastrophe. Après tout, s'il y a du mal pour quelqu'un, ce n'est aucunement de ma faute. C'est la Providence qui a tout fait. C'est qu'elle veut cela, apparemment. Ai-je le droit de déranger ce qu'elle arrange? Qu'est-ce que je demande à présent? De quoi est-ce que je vais me mêler? Cela ne me regarde pas. Comment? Je ne suis pas content. Mais qu'est-ce qu'il me faut donc? Le but auquel j'aspire depuis tant d'années, le songe de mes nuits, l'objet de mes prières au ciel, la sécurité, je l'atteins. C'est Dieu qui le veut. Je n'ai rien à faire contre la volonté de Dieu. Et pourquoi Dieu le veut-il? Pour que je continue ce que j'ai commencé, pour que je fasse le bien, pour que je sois un jour un grand et encourageant exemple, pour qu'il soit dit qu'il y a eu enfin un peu de bonheur attaché à cette pénitence que j'ai subie et à cette vertu où je suis revenu. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi j'ai eu peur tantôt d'entrer chez ce brave curé et de tout lui raconter comme à un confesseur et de lui demander conseil. C'est évidemment là ce qu'il m'aurait dit. C'est décidé. Laissons aller les choses. Laissons faire le bon Dieu. Il se parlait ainsi dans les profondeurs de sa conscience, penché sur ce qu'on pourrait appeler son propre abîme. Il se leva de sa chaise et se mit à marcher dans la chambre. « Allons, dit-il, n'y pensons plus, voilà une résolution prise. » Mais il ne sentit aucune joie. Au contraire, on n'empêche pas plus la pensée de revenir à une idée que la mer de revenir à un rivage. Pour le matelot, cela s'appelle la marée. Pour le coupable, cela s'appelle le remords. Dieu soulève l'âme comme l'océan. Au bout de peu d'instants, il eut beau faire, il reprit ce sombre dialogue, dans lequel c'était lui qui parlait et lui qui écoutait, disant ce qu'il eût voulu taire, écoutant ce qu'il n'eût pas voulu entendre, cédant à cette puissance mystérieuse qui lui disait « Pense !» comme elle disait il y a 2000 ans à un autre condamné « Marche !» Avant d'aller plus loin, et pour être pleinement compris, insistons sur une observation nécessaire. Il est certain qu'on se parle à soi-même. Il n'est pas un être pensant qui ne l'ait éprouvé. On peut dire même que le Verbe n'est jamais un plus magnifique mystère que lorsqu'il va dans l'intérieur d'un homme, de la pensée à la conscience et qu'il retourne de la conscience à la pensée. C'est dans ce sens seulement qu'il faut entendre les mots souvent employés dans ce chapitre. Il dit, il s'écria. On se dit, on se parle, on s'écrie en soi-même, sans que le silence extérieur soit rompu. Il y a un grand tumulte, tout parle en nous, excepté la bouche. Les réalités de l'âme, pour n'être point visibles et palpables, n'en sont pas moins des réalités. Il se demanda donc où il en était. Il s'interrogea sur cette résolution prise. Il se confessa à lui-même que tout ce qu'il venait d'arranger dans son esprit était monstrueux, que laisser aller les choses, laisser faire le bon Dieu, c'était tout simplement horrible. Laisser s'accomplir cette méprise de la destinée et des hommes, ne pas l'empêcher, s'y prêter par son silence, ne rien faire enfin, c'était faire tout. C'était le dernier degré de l'indignité hypocrite. C'était un crime bas, lâche, sournois, abject, hideux. Pour la première fois depuis 8 années, le malheureux homme venait de sentir la saveur amère d'une mauvaise pensée et d'une mauvaise action. Il la recracha avec dégoût. Il continua de se questionner. Il se demanda sévèrement ce qu'il avait entendu par ceci. « Mon but est atteint. » Il se déclara que sa vie avait un but, en effet. Mais quel but ? Cacher son nom ? Tromper la police ? Était-ce pour une chose si petite qu'il avait fait tout ce qu'il avait fait ? Est-ce qu'il n'avait pas un autre but, qui était le grand, qui était le vrai ? Sauver non sa personne, mais son âme, redevenir honnête et bon, être un juste ? Est-ce que ce n'était pas là surtout, là uniquement, ce qu'il avait toujours voulu, ce que l'évêque lui avait ordonné ? Fermer la porte à son passé ? Mais il ne la fermait pas, grand Dieu ! Il la rouvrait en faisant une action infâme. Mais il redevenait un voleur, et le plus odieux des voleurs. Il volait à un autre son existence, sa vie, sa paix, sa place au soleil. Il devenait un assassin. Il tuait moralement un misérable homme. Il lui infligeait cette affreuse mort vivante, cette mort à ciel ouvert qu'on appelle le bagne. Au contraire, se livrer, sauver cet homme frappé d'une si lugubre erreur, reprendre son nom, redevenir par devoir le forçat Jean Valjean, c'était là vraiment achever sa résurrection et fermer à jamais l'enfer d'où il sortait. Y retomber en apparence, c'était en sortir en réalité. Il fallait faire cela. Il n'avait rien fait s'il ne faisait pas cela. Toute sa vie était inutile, toute sa pénitence était perdue, et il n'y avait plus qu'à dire « à quoi bon ?» Il sentait que l'évêque était là, que l'évêque était d'autant plus présent qu'il était mort, que l'évêque le regardait fixement, que désormais le maire Madeleine, avec toutes ses vertus, lui serait abominable, et que le galérien Jean Valjean serait admirable et pur devant lui. Que les hommes voyaient son masque, mais que l'évêque voyait sa face. Que les hommes voyaient sa vie, mais que l'évêque voyait sa conscience. Il fallait donc aller à Arras, délivrer le faux Jean Valjean, dénoncer le véritable. Hélas, c'était là le plus grand des sacrifices, la plus poignante des victoires, le dernier pas à franchir. Mais il le fallait. Douloureuse destinée. Il n'entrerait dans la sainteté aux yeux de Dieu que s'il rentrait dans l'infamie aux yeux des hommes. « Eh bien, dit-il, prenons ce parti, faisons notre devoir, sauvons cet homme. » Il prononça ces paroles à haute voix, sans s'apercevoir qu'il parlait tout haut. Il prit ses livres, les vérifia et les mit en ordre. Il jeta au feu une liasse de créances qu'il avait sur de petits commerçants gênés. Il écrivit une lettre qu'il cacheta, et sur l'enveloppe de laquelle on aurait pu lire, s'il y avait eu quelqu'un dans sa chambre en cet instant, « À Monsieur Laffitte, banquier, rue d'Artois, à Paris. » Il tira d'un secrétaire un portefeuille qui contenait quelques billets de banque et le passeport dont il s'était servi cette même année pour aller aux élections. Qui l'eût vu pendant qu'il accomplissait ces divers actes auxquels se mêlait une méditation si grave, ne se fût pas douté de ce qui se passait en lui. Seulement, par moments, ses lèvres remuaient. Dans d'autres instants, il relevait la tête et fixait son regard sur un point quelconque de la muraille, comme s'il y avait précisément là quelque chose qu'il voulait éclaircir ou interroger. La lettre à M. Laffitte terminée, il la mit dans sa poche, ainsi que le portefeuille, et recommença à marcher. Sa rêverie n'avait point dévié. Il continuait de voir clairement son devoir, écrit en lettres lumineuses qui flamboyaient devant ses yeux, et se déplaçait avec son regard. « Va, nomme-toi, dénonce-toi. » Il voyait de même, et comme si elles se fussent mues devant lui avec des formes sensibles, les deux idées qui avaient été jusque-là la double règle de sa vie. Cacher son nom, sanctifier son âme. Pour la première fois, elle lui apparaissait absolument distincte, et il voyait la différence qui les séparait. Il reconnaissait que l'une de ses idées était nécessairement bonne, tandis que l'autre pouvait devenir mauvaise, que celle-là était le dévouement et que celle-ci était la personnalité, que l'une disait « le prochain » et que l'autre disait « moi ». Que l'une venait de la lumière et que l'autre venait de la nuit. Elles se combattaient, il les voyait se combattre. À mesure qu'il songeait, elles avaient grandi devant l'œil de son esprit. Elles avaient maintenant des statures colossales, et il lui semblait qu'il voyait lutter au-dedans de lui-même, dans cet infini dont nous parlions tout à l'heure, au milieu des obscurités et des lueurs, une déesse et une géante. Il était plein d'épouvante, mais il lui semblait que la bonne pensée l'emportait. Il sentait qu'il touchait à l'autre moment décisif de sa conscience et de sa destinée, que l'évêque avait marqué la première phase de sa vie nouvelle et que ce champ Matthieu en marquait la seconde. Après la grande crise, la grande épreuve. Cependant, la fièvre, un instant apaisé, lui revenait peu à peu. Mille pensées le traversaient, mais elles continuaient de le fortifier dans sa résolution. Un moment, il s'était dit qu'il prenait peut-être la chose trop vivement, qu'après tout, ce champ Matthieu n'était pas intéressant, qu'en somme, il avait volé. Il se répondit : si cet homme a en effet volé quelques pommes, c'est un mois de prison. Il y a loin de là aux galères. Et qui sait même? A-t-il volé? Est-ce prouvé? Le nom de Jean Valjean l'accable et semble dispenser de preuves. Les procureurs du roi n'agissent-ils pas habituellement ainsi? On le croit voleur parce qu'on le sait forçat. Dans un autre instant, cette idée lui vint que lorsqu'il se serait dénoncé, peut-être on considérerait l'héroïsme de son action et sa vie honnête depuis 7 ans, et ce qu'il avait fait pour le pays, et qu'on lui ferait grâce. Mais cette supposition s'évanouit bien vite, et il sourit amèrement en songeant que le vol des 40 sous à Petit Gervais le faisait récidiviste, que cette affaire reparaîtrait certainement, et, au terme précis de la loi, le ferait passible des travaux forcés à perpétuité. Il se détourna de toute illusion, se détacha de plus en plus de la terre et chercha la consolation et la force ailleurs. Il se dit qu'il fallait faire son devoir, que peut-être même ne serait-il pas plus malheureux après avoir fait son devoir qu'après l'avoir éludé, que s'il laissait faire, s'il restait à Montreuil-sur-Mer, sa considération, sa bonne renommée, ses bonnes œuvres, la déférence, la vénération, sa charité, sa richesse, sa popularité, sa vertu, seraient assaisonnées d'un crime. Et quel goût auraient toutes ces choses saintes liées à cette chose hideuse ? Tandis que, s'il accomplissait son sacrifice, au bagne, au poteau, au carcan, au bonnet vert, au travail sans relâche, à la honte sans pitié, il se mêlerait une idée céleste. Enfin, il se dit qu'il y avait nécessité, que sa destinée était ainsi faite, qu'il n'était pas maître de déranger les arrangements d'en haut, que dans tous les cas, il fallait choisir ou la vertu au dehors et l'abomination au dedans, ou la sainteté au dedans et l'infamie au dehors. À remuer tant d'idées lugubres, son courage ne défaillait pas, mais son cerveau se fatiguait. Il commençait à penser malgré lui à d'autres choses, à des choses indifférentes. Ses artères battaient violemment dans ses tempes. Il allait et venait toujours. Minuit sonna d'abord à la paroisse, puis à la maison de ville. Il compta les 12 coups aux 2 horloges, et il compara le son des 2 cloches. Il se rappela à cette occasion que quelques jours auparavant, il avait vu chez un marchand de ferraille une vieille cloche à vendre sur laquelle ce nom était écrit « Antoine Albin de Romainville ». Il avait froid. Il alluma un peu de feu. Il ne songea pas à fermer la fenêtre. Cependant, il était retombé dans sa stupeur. Il lui fallait faire un assez grand effort pour se rappeler à quoi il songeait avant que minuit sonnât. Il y parvint enfin. « Ah oui, se dit-il, j'avais pris la résolution de me dénoncer. » Et puis tout à coup, il pensa à la fontaine. « Tiens, dit-il, et cette pauvre femme ?» Ici, une crise nouvelle se déclara. Fantine, apparaissant brusquement dans sa rêverie, y fut comme un rayon d'une lumière inattendue. Il lui sembla que tout changeait d'aspect autour de lui. Il s'écria « Ah, ça, mais jusqu'ici, je n'ai considéré que moi. Je n'ai eu égard qu'à ma convenance. Il me convient de me taire ou de me dénoncer, cacher ma personne ou sauver mon âme. Être un magistrat méprisable et respecté ou un galérien infâme et vénérable. C'est moi, c'est toujours moi, ce n'est que moi. Mais mon Dieu, c'est de l'égoïsme tout cela. Ce sont des formes diverses de l'égoïsme, mais c'est de l'égoïsme. Si je songeais un peu aux autres, la première sainteté est de penser à autrui. Voyons, examinons. Moi excepté, moi effacé, moi oublié, qu'arrivera-t-il de tout ceci? Si je me dénonce, on me prend, on lâche ce Champmathieu, on me remet aux galères, c'est bien. Et puis, que se passe-t-il ici? Ah, ici, il y a un pays, une ville, des fabriques, une industrie, des ouvriers, des hommes, des femmes, des vieux grands-pères, des enfants, des pauvres gens. J'ai créé tout ceci, je fais vivre tout cela. Partout où il y a une cheminée qui fume, c'est moi qui ai mis le tison dans le feu et la viande dans la marmite. J'ai fait l'aisance, la circulation, le crédit. Avant moi, il n'y avait rien. J'ai relevé, vivifié, animé, fécondé, stimulé, enrichi tout le pays. Moi de moins, c'est l'âme de moins. Je m'ôte. Tout meurt. Et cette femme qui a tant souffert, qui a tant de mérite dans sa chute, dont j'ai causé sans le vouloir tout le malheur. Et cet enfant que je voulais aller chercher, que j'ai promis à la mère. Est-ce que je ne dois pas aussi quelque chose à cette femme, en réparation du mal que je lui ai fait? Si je disparais, qu'arrivera-t-il? La mère meurt, l'enfant devient ce qu'il peut. Voilà ce qui se passe si je me dénonce. Si je ne me dénonce pas, voyons, si je ne me dénonce pas. » Après s'être fait cette question, il s'arrêta. Il eut comme un moment d'hésitation et de tremblement. mais ce moment dura peu, et il se répondit avec calme. « Eh bien, cet homme va aux galères, c'est vrai. Mais que diable, il a volé. J'ai beau me dire qu'il n'a pas volé, il a volé. Moi, je reste ici, je continue. Dans 10 ans, j'aurai gagné 10 millions. Je les répands dans le pays. Je n'ai rien à moi. Qu'est-ce que cela me fait? Ce n'est pas pour moi ce que je fais. La prospérité de tous va croissant. Les industries s'éveillent et s'excitent. Les manufactures et les usines se multiplient. Les familles, 100 familles, 1000 familles, sont heureuses. La contrée se peuple. Il naît des villages où il n'y a que des fermes. Il naît des fermes où il n'y a rien. La misère disparaît. Et avec la misère, disparaissent la débauche, la prostitution, le vol, le meurtre, tous les vices, tous les crimes. Et cette pauvre mère élève son enfant. Et voilà tout un pays riche et honnête. Ah, ça, j'étais fou, j'étais absurde. Qu'est-ce que je parlais donc de me dénoncer? Il faut faire attention vraiment et ne rien précipiter. Quoi? Parce qu'il m'aura plu de faire le grand et le généreux? C'est du mélodrame après tout. Parce que je n'aurais songé qu'à moi seul, quoi. Pour sauver d'une punition peut-être un peu exagérée, mais juste au fond. On ne sait qui, un voleur, un drôle évidemment. Il faudra que tout un pays périsse? Il faudra qu'une pauvre femme crève à l'hôpital? Qu'une pauvre petite fille crève sur le pavé, comme des chiens? Ah, mais c'est abominable! Sans même que la mère ait revu son enfant, sans que l'enfant ait presque connu sa mère. Et tout ça pour ce vieux gredin de voleur de pommes qui, à coup sûr, a mérité les galères pour autre chose, si ce n'est pour cela. Beaux scrupules qui sauvent un coupable et qui sacrifient des innocents, qui sauvent un vieux vagabond, lequel n'a plus que quelques années à vivre au bout du compte et ne sera guère plus malheureux au bagne que dans sa masure, et qui sacrifie toute une population, mère, femme, enfant. Cette pauvre petite Cosette qui n'a que moi au monde et qui est sans doute en ce moment toute bleue de froid dans le bouge de ses Thénardier. Voilà encore des canailles, cela. Et je manquerais à mes devoirs envers tous ces pauvres êtres, et je m'en irais me dénoncer, et je ferais cette inepte sottise. Mettons tout au pis. Supposons qu'il y ait une mauvaise action pour moi dans ceci, et que ma conscience me la reproche un jour. Accepter pour le bien d'autrui ces reproches qui ne chargent que moi, cette mauvaise action qui ne compromet que mon âme. C'est là qu'est le dévouement, c'est là qu'est la vertu. Il se leva, il se remit à marcher. Cette fois, il lui semblait qu'il était content. On ne trouve les diamants que dans les ténèbres de la terre. On ne trouve les vérités que dans les profondeurs de la pensée. Il lui semblait qu'après être descendu dans ces profondeurs, après avoir longtemps tâtonné au plus noir de ces ténèbres, il venait enfin de trouver un de ses diamants, une de ses vérités, et qu'il la tenait dans sa main. Et il s'éblouissait à la regarder. « Oui, pensa-t-il, c'est cela, je suis dans le vrai, j'ai la solution. Il faut finir par s'en tenir à quelque chose, mon parti est pris. Laissons faire. Ne vacillons plus, ne reculons plus. Ceci est dans l'intérêt de tous, non dans le mien. Je suis Madeleine, je reste Madeleine. Malheur à celui qui est Jean Valjean, ce n'est plus moi. Je ne connais pas cet homme, je ne sais plus ce que c'est. S'il se trouve que quelqu'un est Jean Valjean à cette heure, qu'il s'arrange. Cela ne me regarde pas. C'est un nom de fatalité qui flotte dans la nuit. S'il s'arrête et s'abat sur une tête, tant pis pour elle. » Il se regarda dans le petit miroir qui était sur sa cheminée et dit « Tiens, cela m'a soulagé de prendre une résolution. Je suis tout autre à présent. » Il marcha encore quelques pas, puis il s'arrêta court. « Allons, dit-il, il ne faut hésiter devant aucune des conséquences de la résolution prise. Il y a encore des fils qui m'attachent à ce Jean Valjean. Il faut les briser. Il y a ici, dans cette chambre même, des objets qui m'accuseraient. des choses muettes qui seraient des témoins. C'est dit, il faut que tout cela disparaisse. Il fouilla dans sa poche, en tira sa bourse, l'ouvrit et y prit une petite clé. Il introduisit cette clé dans une serrure dont on voyait à peine le trou, perdu qu'il était dans les nuances les plus sombres du dessin qui couvrait le papier collé sur le mur. Une cachette s'ouvrit, une espèce de fausse armoire ménagée entre l'angle de la muraille et le manteau de la cheminée. Il n'y avait dans cette cachette que quelques guenilles, un sarrau de toile bleue, un vieux pantalon, un vieux havresac et un gros bâton d'épines ferré aux deux bouts. Ceux qui avaient vu Jean Valjean à l'époque où il traversait Digne, en octobre 1815, eussent aisément reconnu toutes les pièces de ce misérable accoutrement. Il les avait conservées comme il avait conservé les chandeliers d'argent, pour se rappeler toujours son point de départ. Seulement il cachait ceci qui venait du bagne, et il laissait voir les flambeaux qui venaient de l'évêque. Il jeta un regard furtif vers la porte, comme s'il eût craint qu'elle ne s'ouvrît malgré le verrou qui la fermait. Puis, d'un mouvement vif et brusque, et d'une seule brassée, sans même donner un coup d'œil à ces choses qu'il avait si religieusement et si périlleusement gardées pendant tant d'années, il prit tout, haillons, bâtons, havresac, et jeta tout au feu. Il referma la fausse armoire, et, redoublant de précautions, désormais inutiles puisqu'elle était vide, en cacha la porte derrière un gros meuble qu'il y poussa. Au bout de quelques secondes, la chambre et le mur d'en face furent éclairés d'une grande réverbération rouge et tremblante. Tout brûlait. Le bâton d'épine pétillait et jetait des étincelles jusqu'au milieu de la chambre. Le havresac, en se consumant avec d'affreux chiffons qu'il contenait, avait mis à nu quelque chose qui brillait dans la cendre. Et en se penchant, on eût aisément reconnu une pièce d'argent. Sans doute la pièce de 40 sous volée au petit Savoyard. Lui ne regardait pas le feu et marchait, allant et venant toujours du même pas. Tout à coup, ses yeux tombèrent sur les deux flambeaux d'argent que la réverbération faisait reluire vaguement sur la cheminée. « Tiens, pensa-t-il, tout Jean Valjean est encore là-dedans. Il faut aussi détruire cela. » Il prit les deux flambeaux. Il y avait assez de feu pour qu'on pût les déformer promptement et en faire une sorte de lingot méconnaissable. Il se pencha sur le foyer et s'y chauffa un instant. Il eut un vrai bien-être. « La bonne chaleur » dit-il. Il remua le brasier avec un des deux chandeliers. Une minute de plus et ils étaient dans le feu. En ce moment, il lui sembla qu'il entendait une voix qui criait au-dedans de lui. « Jean Valjean ! Jean Valjean !» Ses cheveux se dressèrent. Il devint comme un homme qui écoute une chose terrible. « Oui, c'est cela, achève !» disait la voix. « Complète ce que tu fais. Détruis ces flambeaux. Anéantis ce souvenir. Oublie l'évêque. Oublie tout. Père, ce chant Mathieu, va, c'est bien, applaudis-toi. Ainsi, c'est convenu, c'est résolu, c'est dit. Voilà un homme, voilà un vieillard qui ne sait ce qu'on lui veut, qui n'a rien fait peut-être, un innocent, dont ton nom fait tout le malheur, sur qui ton nom pèse comme un crime, qui va être pris pour toi, qui va être condamné, qui va finir ses jours dans l'abjection et dans l'horreur. C'est bien, sois honnête homme, toi. Reste, monsieur le maire, reste honorable et honoré, enrichis la ville, nourris des indigents, élève des orphelins, vis heureux, vertueux et admiré. Et pendant ce temps-là, pendant que tu seras ici dans la joie et dans la lumière, il y aura quelqu'un qui aura ta casaque rouge, qui portera ton nom dans l'ignominie et qui traînera ta chaîne au bagne. Oui, c'est bien arrangé ainsi. Ah, misérable ! La sueur lui coulait du front. il attachait sur les flambeaux un œil hagard. Cependant, ce qui parlait en lui n'avait pas fini. La voix continuait. « Jean Valjean, il y aura autour de toi beaucoup de voix qui feront un grand bruit, qui parleront bien haut et qui te béniront, et une seule que personne n'entendra et qui te maudira dans les ténèbres. Eh bien, écoute, infâme, toutes ces bénédictions retomberont avant d'arriver au ciel, et il n'y aura que la malédiction qui montera jusqu'à Dieu. » Cette voix, d'abord toute faible et qui s'était élevée du plus obscur de sa conscience, était devenue par degrés éclatante et formidable, et il l'entendait maintenant à son oreille. Il lui semblait qu'elle était sortie de lui-même et qu'elle parlait à présent dehors de lui. Il crut entendre les dernières paroles si distinctement qu'il regarda dans la chambre avec une sorte de terreur. « Y a-t-il quelqu'un ici ? » demanda-t-il à haute voix et tout égaré. Puis il reprit avec un rire qui ressemblait au rire d'un idiot. « Que je suis bête, il ne peut y avoir personne. » Il y avait quelqu'un, mais celui qui y était n'était pas de ceux que l'œil humain peut voir. Il posa les flambeaux sur la cheminée. Alors, il reprit cette marche monotone et lugubre qui troublait dans ses rêves et réveillait en sursaut l'homme endormi au-dessous de lui. Cette marche le soulageait et l'enivrait en même temps. Il semble que parfois, dans les occasions suprêmes, on se remue pour demander conseil à tout ce qu'on peut rencontrer en se déplaçant. Au bout de quelques instants, il ne savait plus où il en était. Il reculait maintenant, avec une égale épouvante devant les deux résolutions qu'il avait prises tour à tour. Les deux idées qui le conseillaient lui paraissaient aussi funestes l'une que l'autre. Quelle fatalité! Quelle rencontre que ce Champmathieu prit pour lui! Être précipité justement par le moyen que la Providence paraissait d'abord avoir employé pour l'affermir. Il y eut un moment où il considéra l'avenir. Se dénoncer, grand Dieu, se livrer. Il envisagea avec un immense désespoir tout ce qu'il faudrait quitter, tout ce qu'il faudrait reprendre. Il faudrait donc dire adieu à cette existence si bonne, si pure, si radieuse, à ce respect de tous, à l'honneur, à la liberté. Il n'irait plus se promener dans les champs, il n'entendrait plus chanter les oiseaux au mois de mai, il ne ferait plus l'aumône aux petits-enfants, il ne sentirait plus la douceur des regards de reconnaissance et d'amour fixés sur lui. Il quitterait cette maison qu'il avait bâtie, cette chambre, cette petite chambre. Tout lui paraissait charmant à cette heure. Il ne lirait plus dans ses livres, il n'écrirait plus sur cette petite table de bois blanc. Sa vieille portière, la seule servante qu'il eût, ne lui montrait plus son café le matin. Grand Dieu, au lieu de cela, la chiourme, le carcan, la veste rouge, la chaîne aux pieds, la fatigue, le cachot, le lit de camp, toutes ces horreurs connues. À son âge, après avoir été ce qu'il était, si encore il était jeune, mais vieux, être tutoyé par le premier venu, être fouillé par le garde-chioume, recevoir le coup de bâton de l'argousin, avoir les pieds nus dans des souliers ferrés, tendre matin et soir sa jambe au marteau du rondier qui visite la manille, subir la curiosité des étrangers auxquels on dirait « Celui-là, c'est le fameux Jean Valjean qui a été maire à Montreuil-sur-Mer. » Le soir, ruisselant de sueur, accablé de lassitude, le bonnet vert sur les yeux, remonté deux à deux, sous le fouet du sergent, l'escalier échelle du bagne flottant. Oh, quelle misère! La destinée peut-elle donc être méchante comme un être intelligent et devenir monstrueuse comme le cœur humain? Et quoi qu'il fît, il retombait toujours sur ce poignant dilemme qui était au fond de sa rêverie. Rester dans le paradis et y devenir démon? Rentrer dans l'enfer et y devenir ange. Que faire, grand Dieu, que faire ? La tourmente dont il était sorti avec tant de peine se déchaîna de nouveau en lui. Ses idées recommencèrent à se mêler. Elles prirent ce je ne sais quoi de stupéfié et de machinal qui est propre au désespoir. Ce nom de Romainville lui revenait sans cesse à l'esprit, avec deux vers d'une chanson qu'il avait entendue autrefois. Il songeait que Romainville est un petit bois près Paris où les jeunes gens amoureux vont cueillir des lilas au mois d'avril. Il chancelait au dehors comme au dedans. Il marchait comme un petit enfant qu'on laisse aller seul. À de certains moments, luttant contre sa lassitude, il faisait effort pour ressaisir son intelligence. Il tâchait de se poser une dernière fois et définitivement le problème sur lequel il était en quelque sorte tombé d'épuisement. Faut-il se dénoncer ? Faut-il se taire ? Il ne réussissait à rien voir de distinct. Les vagues aspects de tous les raisonnements ébauchés par sa rêverie tremblaient et se dissipaient l'un après l'autre en fumée. Seulement il sentait que, à quelque partie qu'il s'arrêtât, nécessairement, et sans qu'il fût possible d'y échapper, quelque chose de lui allait mourir. Qu'il entrait dans un sépulcre à droite comme à gauche, qu'il accomplissait une agonie, l'agonie de son bonheur ou l'agonie de sa vertu. Hélas, toutes ces irrésolutions l'avaient repris. Il n'était pas plus avancé qu'au commencement. Ainsi se débattait sous l'angoisse cette malheureuse âme. 1800 ans avant cet homme infortuné, l'être mystérieux, en qui se résument toutes les saintetés et toutes les souffrances de l'humanité, avait aussi, lui, pendant que les oliviers frémissaient au vent farouche de l'infini, longtemps écarté de la main l'effrayant calice qui lui apparaissait ruisselant d'ombre et débordant de ténèbres dans des profondeurs pleines d'étoiles. Chapitre 4. Forme que prend la souffrance pendant le sommeil. 3 heures du matin venaient de sonner, et il y avait 5 heures qu'il marchait ainsi, presque sans interruption, lorsqu'il se laissa tomber sur sa chaise. Il s'y endormit et fit un rêve. Ce rêve, comme la plupart des rêves, ne se rapportait à la situation que par je ne sais quoi de funeste et de poignant, mais il lui fit impression. Ce cauchemar le frappa tellement que plus tard il l'a écrit. C'est un des papiers écrits de sa main qu'il a laissé. Nous croyons devoir transcrire ici cette chose textuellement. Quel que soit ce rêve, l'histoire de cette nuit serait incomplète si nous l'omettions. C'est la sombre aventure d'une âme malade. Le voici. Sur l'enveloppe, nous trouvons cette ligne écrite « Le rêve que j'ai eu cette nuit-là. » J'étais dans une campagne, une grande campagne triste où il n'y avait pas d'herbe. Il ne me semblait pas qu'il fît jour, ni qu'il fît nuit. Je me promenais avec mon frère, le frère de mes années d'enfance, ce frère auquel je dois dire que je ne pense jamais et dont je ne me souviens presque plus. Nous causions et nous rencontrions des passants. Nous parlions d'une voisine que nous avions eue autrefois et qui, depuis qu'elle demeurait sur la rue, travaillait la fenêtre toujours ouverte. Tout en causant, nous avions froid à cause de cette fenêtre ouverte. Il n'y avait pas d'arbre dans la campagne. Nous vîmes un homme qui passa près de nous. C'était un homme tout nu, couleur de cendre, monté sur un cheval, couleur de terre. L'homme n'avait pas de cheveux. On voyait son crâne et des veines sur son crâne. Il tenait à la main une baguette qui était souple comme un sarment de vigne et lourde comme du fer. Ce cavalier passa et ne nous dit rien. Mon frère me dit « Prenons par le chemin creux. » Il y avait un chemin creux où l'on ne voyait pas une broussaille, ni un brin de mousse. Tout était couleur de terre, même le ciel. Au bout de quelques pas, on ne me répondit plus quand je parlais. Je m'aperçus que mon frère n'était plus avec moi. J'entrai dans un village que je vis. Je songeai que ce devait être là Romainville. Pourquoi Romainville ? La première rue où j'entrai était déserte. J'entrai dans une seconde rue. Derrière l'angle que faisaient les deux rues, il y avait un homme debout contre le mur. Je dis à cet homme, « Quel est ce pays ? Où suis-je ? » L'homme ne répondit pas. Je vis la porte d'une maison ouverte, j'y entrai. La première chambre était déserte. J'entrai dans la seconde. Derrière la porte de cette chambre, il y avait un homme, debout contre le mur. Je demandai à cet homme, « À qui est cette maison ? Où suis-je ? » L'homme ne répondit pas. La maison avait un jardin. Je sortis de la maison et j'entrai dans le jardin. Le jardin était désert. Derrière le premier arbre, je trouvai un homme qui se tenait debout. Je dis à cet homme, « Quel est ce jardin ? Où suis-je ? » L'homme ne répondit pas. J'errai dans le village et je m'aperçus que c'était une ville. Toutes les rues étaient désertes, toutes les portes étaient ouvertes. Aucun être vivant ne passait dans les rues, ne marchait dans les chambres ou ne se promenait dans les jardins. Mais il y avait derrière chaque angle de mur, derrière chaque porte, derrière chaque arbre, un homme debout qui se taisait. On n'en voyait jamais qu'un à la fois. Ces hommes me regardaient passer. Je sortis de la ville et je me mis à marcher dans les champs. Au bout de quelque temps, je me retournai et je vis une grande foule qui venait derrière moi. Je reconnus tous les hommes que j'avais vus dans la ville. Ils avaient des têtes étranges. Ils ne semblaient pas se hâter, et cependant ils marchaient plus vite que moi. Ils ne faisaient aucun bruit en marchant. En un instant, cette foule me rejoignit et m'entoura. Les visages de ces hommes étaient couleur de terre. Alors le premier que j'avais vu et questionné en entrant dans la ville me dit « Où allez-vous ? Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes mort depuis longtemps ?» J'ouvris la bouche pour répondre et je m'aperçus qu'il n'y avait personne autour de moi. Il se réveilla. Il était glacé. Un vent qui était froid comme le vent du matin faisait tourner dans leurs gonds les châssis de la croisée restée ouverte. Le feu s'était éteint. La bougie touchait à sa fin. Il était encore nuit noire. Il se leva. Il alla à la fenêtre, il n'y avait toujours pas d'étoiles au ciel. De sa fenêtre, on voyait la cour de la maison et la rue. Un bruit sec et dur qui résonna tout à coup sur le sol lui fit baisser les yeux. Il vit au-dessous de lui deux étoiles rouges dont les rayons s'allongeaient et se raccourcissaient bizarrement dans l'ombre. Comme sa pensée était encore à demi submergée dans la brume des rêves, « Tiens ! Songea-t-il. Il n'y en a pas dans le ciel, elles sont sur la terre maintenant. » Cependant, ce trouble se dissipa. Un second bruit, pareil au premier, acheva de le réveiller. Il regarda et il reconnut que ces deux étoiles étaient les lanternes d'une voiture. À la clarté qu'elles jetaient, il put distinguer la forme de cette voiture. C'était un tilbury attelé d'un petit cheval blanc. Le bruit qu'il avait entendu, c'était les coups de pied du cheval sur le pavé. « Qu'est-ce que c'est que cette voiture ? » se dit-il. « Qui est-ce qui vient donc si matin ?» En ce moment, on frappa un petit coup à la porte de sa chambre. Il frissonna de la tête aux pieds et cria d'une voix terrible « Qui est là ?» Quelqu'un répondit « Moi, monsieur le maire !» Il reconnut la voix de la vieille femme, sa portière. « Eh bien, reprit-il, qu'est-ce que c'est ?»« Monsieur le maire, il est tout à l'heure 5 heures du matin. »« Qu'est-ce que cela me fait ?»« Monsieur le maire, c'est le cabriolet. »« Quel cabriolet ?»« Le tilbury. »« Quel tilbury ?»« Est-ce que monsieur le maire n'a pas fait demander un tilbury ?»« Non, dit-il. » « Le cocher dit qu'il vient chercher, monsieur le maire. »« Quel cocher ?»« Le cocher de monsieur Scaufflaire. »« Monsieur Scaufflaire ?» Ce nom le fit tressaillir, comme si un éclair lui eût passé devant la face. « Ah oui !» reprit-il. « Monsieur Scaufflaire !» Si la vieille femme l'eût pu voir en ce moment, elle eût été épouvantée. Il se fit un assez long silence. Il examinait d'un air stupide la flamme de la bougie et prenait autour de la mèche de la cire brûlante qu'il roulait dans ses doigts. La vieille attendait. Elle se hasarda pourtant à élever encore la voix. « Monsieur le maire, que faut-il que je réponde ?»« Dites que c'est bien et que je descends. » Chapitre 5. Bâton dans les roues. Le service des postes d'Arras à Montreuil-sur-Mer se faisait encore à cette époque par de petites malles du temps de l'Empire. Ces malles étaient des cabriolets à deux roues, tapissés de cuir fauve au-dedans, suspendus sur des ressorts à pompe, et n'ayant que deux places, l'une pour le courrier, l'autre pour le voyageur. Les roues étaient armées de ces longs moyeux offensifs qui tiennent les autres voitures à distance, et qu'on voit encore sur les routes d'Allemagne. Le coffre aux dépêches, immense boîte oblongue, était placé derrière le cabriolet et faisait corps avec lui. Ce coffre était peint en noir et le cabriolet en jaune. Ces voitures, auxquelles rien ne ressemble aujourd'hui, avaient je ne sais quoi de difforme et de bossu, et quand on les voyait passer de loin et ramper dans quelques routes à l'horizon, elles ressemblaient à ces insectes qu'on appelle, je crois, termites, et qui, avec un petit corsage, traînent un gros arrière-train. Elles allaient du reste fort vite. La malle partie d'Arras toutes les nuits à 1 heure après le passage du courrier de Paris arrivait à Montreuil-sur-Mer un peu avant 5 heures du matin. Cette nuit-là, la malle qui descendait à Montreuil-sur-Mer par la route de Hesdin accrocha au tournant d'une rue, au moment où elle entrait dans la ville, un petit tilbury attelé d'un cheval blanc qui venait en sens inverse et dans lequel il n'y avait qu'une personne, un homme enveloppé d'un manteau. La roue du tilbury reçut un choc assez rude. Le courrier cria à cet homme d'arrêter, mais le voyageur n'écouta pas et continua sa route au grand trot. « Voilà un homme diablement pressé !» dit le courrier. L'homme qui se hâtait ainsi, c'est celui que nous venons de voir se débattre dans des convulsions dignes à coup sûr de pitié. Où allait-il? Il n'eût pu le dire. Pourquoi se hâtait-il? Il ne savait. Il allait au hasard devant lui. Où? À Arras, sans doute, mais il allait peut-être ailleurs aussi. Par moments, il le sentait et il tressaillait. Il s'enfonçait dans cette nuit comme dans un gouffre. Quelque chose le poussait. Quelque chose l'attirait. Ce qui se passait en lui, personne ne pourrait le dire. Tous le comprendront. Quel homme n'est entré, au moins une fois en sa vie, dans cette obscure caverne de l'inconnu? Du reste, il n'avait rien résolu, rien décidé, rien arrêté, rien fait. Aucun des actes de sa conscience n'avait été définitif. Il était plus que jamais comme au premier moment. Pourquoi allait-il à Arras? Il se répétait ce qu'il s'était déjà dit en retenant le cabriolet de Scaufflaire, que, quel que dût être le résultat, il n'y avait aucun inconvénient à voir de ses yeux, à juger les choses par lui-même, que cela même était prudent, qu'il fallait savoir ce qui se passerait, qu'on ne pouvait rien décider sans avoir observé et scruté, que de loin, on se faisait des montagnes de tout. Qu'au bout du compte, lorsqu'il aurait vu ce Champmathieu, quelque misérable, sa conscience serait probablement fort soulagée de le laisser aller au bagne à sa place. Qu'à la vérité, il y aurait là Javert, et ce Brevet, ce Chenildieu, ce Cochepaille, ancien forçat qu'il avait connu. Mais qu'à coup sûr, il ne le reconnaîtrait pas. Bah, quelle idée! que Javert en était en son lieu, que toutes les conjectures et toutes les suppositions étaient fixées sur ce Champmathieu et que rien n'étant été comme les suppositions et les conjectures. Qu'il n'y avait donc aucun danger. Que sans doute c'était un moment noir, mais qu'il en sortirait. Qu'après tout, il tenait sa destinée, si mauvaise qu'elle voulût être, dans sa main, qu'il en était le maître. Il se cramponnait à cette pensée. Au fond, pour tout dire, il eût mieux aimé ne point aller à Arras. Cependant, il y allait. Tout en songeant, il fouettait le cheval, lequel trottait de ce bon trot réglé et sûr qui fait 2 lieues et demie à l'heure. À mesure que le cabriolet avançait, il sentait quelque chose en lui qui reculait. Au point du jour, il était en rase campagne. La ville de Montreuil-sur-Mer était assez loin derrière lui. Il regarda l'horizon blanchir. Il regarda, sans les voir, passer devant ses yeux toutes les froides figures d'une aube d'hiver. Le matin a ses spectres comme le soir. Il ne les voyait pas. Mais, à son insu, et par une sorte de pénétration presque physique, ces noires silhouettes d'arbres et de collines ajoutaient à l'état violent de son âme je ne sais quoi de morne et de sinistre. Chaque fois qu'il passait devant une de ces maisons isolées qui côtoient parfois les routes, il se disait « Il y a pourtant là-dedans des gens qui dorment !» Le trot du cheval, les grelots du harnais, les roues sur le pavé, faisaient un bruit doux et monotone. Ces choses-là sont charmantes quand on est joyeux et lugubres quand on est triste. Il était grand jour lorsqu'il arriva à Hesdin. Il s'arrêta devant une auberge pour laisser souffler le cheval et lui faire donner l'avoine. Ce cheval était, comme l'avait dit Scaufflair, de cette petite race du Boulonnais qui a trop de tête, trop de ventre et pas assez d'encolure, mais qui a le poitrail ouvert, la croupe large, la jambe sèche et fine et le pied solide. Race laide, mais robuste et saine. L'excellente bête avait fait 5 lieues en 2 heures et n'avait pas une goutte de sueur sur la croupe. Il n'était pas descendu du tilbury. Le garçon d'écurie, qui apportait l'avoine, se baissa tout à coup et examina la roue de gauche. « Allez-vous loin comme cela ?» dit cet homme. Il répondit, presque sans sortir de sa rêverie, « Pourquoi ?»« Venez-vous de loin ?» reprit le garçon. « De 5 lieues d'ici. »« Ah ! Pourquoi, dites-vous, ah ?» Le garçon se pencha de nouveau, resta un moment silencieux, l'œil fixé sur la roue, puis se redressa en disant « C'est que voilà une roue qui vient de faire 5 lieues, c'est possible, mais qui à coup sûr ne fera pas maintenant 1/4 lieue. » Il sauta à bas du tilbury. « Que dites-vous là, mon ami ?» Je dis que c'est un miracle que vous ayez fait 5 lieues sans rouler, vous et votre cheval, dans quelque fossé de la grande route. Regardez plutôt. » La roue, en effet, était gravement endommagée. Le choc de la malle-poste avait fendu 2 rayons et labouré le moyeu dont l'écrou ne tenait plus. « Mon ami, dit-il au garçon d'écurie, il y a un charron ici ?»« Sans doute, monsieur. » « Rendez-moi le service de l'aller chercher. »« Il est là, à 2 pas. Hé, maître Bourgaillard !» Maître Bourgaillard, le charron, était sur le seuil de sa porte. Il vint examiner la roue et fit la grimace d'un chirurgien qui considère une jambe cassée. « Pouvez-vous raccommoder cette roue sur le champ ?»« Oui, monsieur. »« Quand pourrais-je repartir ?»« Demain. » « Demain ? Il y a une grande journée d'ouvrage. Est-ce que monsieur est pressé ?»« Très pressé. Il faut que je reparte dans 1 heure, au plus tard. » »« Impossible, monsieur. Je paierai tout ce qu'on voudra. » »« Impossible. Eh bien, dans 2 heures. » »« Impossible pour aujourd'hui. il faut refaire deux raies et un moyeu. Monsieur ne pourra repartir avant demain. L'affaire que j'ai ne peut attendre à demain. Si, au lieu de raccommoder cette roue, on la remplaçait. Comment cela ? Vous êtes charron ? Sans doute, monsieur. Est-ce que vous n'auriez pas une roue à me vendre ? Je pourrais repartir tout de suite. Une roue de rechange ? Oui. Je n'ai pas une roue toute faite pour votre cabriolet. Deux roues font la paire. Deux roues ne vont pas ensemble au hasard. En ce cas, vendez-moi une paire de roues. Monsieur, toutes les roues ne vont pas à tous les essieux. Essayez toujours. C'est inutile, monsieur. Je n'ai à vendre que des roues de charrette. Nous sommes un petit pays ici. Auriez-vous un cabriolet à me louer ? Le maître charron, du premier coup d'œil, avait reconnu que le Tilbury était une voiture de louage. Il haussa les épaules. Vous les arrangez bien, les cabriolets qu'on vous loue. J'en aurais un que je ne vous le louerai pas. Eh bien, à me vendre ? Je n'en ai pas. Quoi ? Pas une carriole ? Je ne suis pas difficile, comme vous voyez. Nous sommes un petit pays. J'ai bien là, sous la remise, ajouta le charron, une vieille calèche qui est à un bourgeois de la ville qui me l'a donnée en garde et qui s'en sert tous les 36 du mois. Je vous la louerai bien, qu'est-ce que cela me fait ? Mais il ne faudrait pas que le bourgeois la vit passer. Et puis, c'est une calèche, il faudrait deux chevaux. Je prendrai des chevaux de poste. Où va monsieur ? À Arras. Et monsieur veut arriver aujourd'hui ? Mais oui. En prenant des chevaux de poste ? Pourquoi pas ? Est-il égal à monsieur d'arriver cette nuit à 4 heures du matin ? Non, certes. C'est que, voyez-vous bien, il y a une chose à dire. En prenant des chevaux de poste, monsieur a son passeport ? Oui. Eh bien, en prenant des chevaux de poste, monsieur n'arrivera pas à Arras avant demain. Nous sommes un chemin de traverse. Les relais sont mal servis. Les chevaux sont au champ. C'est la saison des grandes charrues qui commence. Il faut de forts attelages. Et l'on prend les chevaux partout, à la poste comme ailleurs. Monsieur attendra au moins 3 ou 4 heures à chaque relais. Et puis, on va au pas. Il y a beaucoup de côtes à monter. Allons, j'irai à cheval. Dételez le cabriolet, on me vendra bien une selle dans le pays. Sans doute. Mais ce cheval-ci, endure-t-il la selle ? C'est vrai, vous m'y faites penser. Il ne l'endure pas. Alors, mais je trouverai bien dans le village un cheval à louer. Un cheval pour aller à Arras d'une traite ? Oui. Il faudrait un cheval comme on n'en a pas dans nos endroits. Il faudrait l'acheter d'abord, car on ne vous connaît pas. Mais ni à vendre, ni à louer, ni pour 500 francs, ni pour 1000, vous ne le trouveriez pas. Comment faire ? Le mieux, là, en honnête homme, c'est que je raccommode la roue et que vous remettiez votre voyage à demain. Demain, il sera trop tard. Dame, n'y a-t-il pas la malle-poste qui va à Arras ? Qu'en passe-t-elle ? La nuit prochaine. Les deux mâles font le service la nuit, celle qui monte comme celle qui descend. Comment ? Il vous faut une journée pour raccommoder cette roue. Une journée et une bonne. En mettant 2 ouvriers. En mettant 10. Si on liait les rayons avec des cordes. Les rayons, oui, le moyeu, non. Et puis la jante aussi est en mauvais état. Y a-t-il un loueur de voiture dans la ville ? Non. Y a-t-il un autre charron ? Le garçon d'écurie et le maître charron répondirent en même temps en hochant la tête : Non. Il sentit une immense joie. Il était évident que la Providence s'en mêlait. C'était elle qui avait brisé la roue du Tilbury et qui l'arrêtait en route. Il ne s'était pas rendu à cette espèce de première sommation. Il venait de faire tous les efforts possibles pour continuer son voyage. Il avait loyalement et scrupuleusement épuisé tous les moyens. Il n'avait reculé ni devant la saison, ni devant la fatigue, ni devant la dépense. Il n'avait rien à se reprocher. S'il n'allait pas plus loin, cela ne le regardait plus. Ce n'était plus sa faute. C'était, non le fait de sa conscience, mais le fait de la Providence. Il respira. Il respira librement et à pleine poitrine, pour la première fois depuis la visite de Javert. Il lui semblait que le poignet de fer qui lui serrait le cœur depuis 20 heures venait de le lâcher. Il lui paraissait que maintenant, Dieu était pour lui et se déclarait. Il se dit qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait et qu'à présent, il n'avait qu'à revenir sur ses pas, tranquillement. Si sa conversation avec le charron eut eu lieu dans une chambre de l'auberge, elle n'eut point eu de témoin, personne ne l'eût entendu. Les choses en fussent restées là, et il est probable que nous n'aurions eu à raconter aucun des événements qu'on va lire. Mais cette conversation s'était faite dans la rue. Tout colloque dans la rue produit inévitablement un cercle. Il y a toujours des gens qui ne demandent qu'à être spectateurs. Pendant qu'ils questionnaient le charron, quelques allants et venants s'étaient arrêtés autour d'eux. Après avoir écouté pendant quelques minutes, un jeune garçon, auquel personne n'avait pris garde, s'était détaché du groupe en courant. Au moment où le voyageur, après la délibération intérieure que nous venons d'indiquer, prenait la résolution de rebrousser chemin, cet enfant revenait. Il était accompagné d'une vieille femme. « Monsieur, dit la femme, mon garçon me dit que vous avez envie de louer un cabriolet. » Cette simple parole, prononcée par une vieille femme que conduisait un enfant, lui fit ruisseler la sueur dans les reins. Il crut voir la main qu'il avait lâchée reparaître dans l'ombre derrière lui, toute prête à le reprendre. Il répondit « Oui, bonne femme, je cherche un cabriolet à louer. » Et il se hâta d'ajouter « Mais il n'y en a pas dans le pays. » « Si fait, dit la vieille. « Où ça donc ? Reprit le charron. « Chez moi, répliqua la vieille. » Il tressaillit. La main fatale l'avait ressaisi. La vieille avait en effet sous un hangar une façon de carriole en osier. Le charron et le garçon d'auberge, désolés que le voyageur leur échappât, intervinrent. C'était une affreuse guimbarde. Cela était posé à cru sur les cieux. Il est vrai que les banquettes étaient suspendues à l'intérieur avec des lanières de cuir. Il pleuvait dedans. Les roues étaient rouillées et rongées d'humidité. Cela n'irait pas beaucoup plus loin que le Tilbury. Une vraie patache. Ce monsieur aurait bien tort de s'y embarquer. Etc. Etc. Tout cela était vrai. Mais cette guimbarde, cette patache, cette chose, quelle qu'elle fût, roulait sur ses deux roues et pouvait aller à Arras. Il paya ce qu'on voulut, laissa le Tilbury à réparer chez le charron pour l'y retrouver à son retour, fit atteler le cheval blanc à la carriole, y monta et reprit la route qu'il suivait depuis le matin. Au moment où la carriole s'ébranla, il s'avoua qu'il avait eu l'instant d'auparavant une certaine joie de songer qu'il n'irait point où il allait. Il examina cette joie avec une sorte de colère et la trouva absurde. Pourquoi de la joie revenir en arrière? Après tout, il faisait ce voyage librement, personne ne l'y forçait. Et certainement, rien n'arriverait que ce qu'il voudrait bien. Comme il sortait de Hesdin, il entendit une voix qui lui criait « Arrêtez ! Arrêtez !» Il arrêta la carriole d'un mouvement vif, dans lequel il y avait encore je ne sais quoi de fébrile et de convulsif qui ressemblait à de l'espérance. C'était le petit garçon de la vieille. « Monsieur, dit-il, c'est moi qui vous ai procuré la carriole. »« Eh bien ?» Vous ne m'avez rien donné. » Lui, qui donnait à tous et si facilement, il trouva cette prétention exorbitante et presque odieuse. « Ah, c'est toi, drôle !» dit-il. « Tu n'auras rien !» Il fouetta le cheval et repartit au grand trot. Il avait perdu beaucoup de temps à Aïda. Il eût voulu le rattraper. Le petit cheval était courageux et tirait comme deux. Mais on était au mois de février, il avait plu, les routes étaient mauvaises. Et puis, ce n'était plus le Tilbury. La carriole était dure et très lourde. Avec cela, force montait. Il mit près de 4 heures pour aller de Hesdin à Saint-Paul. 4 heures pour Saint-Lieu. À Saint-Paul, il détela à la première auberge venue et fit mener le cheval à l'écurie. Comme il l'avait promis à Scaufflaire, il se tint près du râtelier pendant que le cheval mangeait. Il songeait à des choses tristes et confuses. La femme de l'aubergiste entre dans l'écurie. « Est-ce que monsieur ne veut pas déjeuner ?»« Tiens, c'est vrai, » dit-il, « j'ai même bon appétit. » Il suivit cette femme qui avait une figure fraîche et réjouie. Elle le conduisit dans une salle basse où il y avait des tables ayant pour nappe des toiles cirées. « Dépêchez-vous, » reprit-il, « il faut que je reparte, je suis pressé. » Une grosse servante flamande mit son couvert en toute hâte. Il regardait cette fille avec un sentiment de bien-être. « C'est là ce que j'avais, » pensa-t-il. « Je n'avais pas déjeuné. » On le servit. Il se jeta sur le pain, mordit une bouchée, puis le reposa lentement sur la table et n'y toucha plus. Un roulier mangeait à une autre table. Il dit à cet homme « Pourquoi leur pain est-il donc si amer ?» Le roulier était allemand et n'entendit pas. Il retourna dans l'écurie près du cheval. Une heure après, il avait quitté Saint-Paul et se dirigeait vers Tinques, qui n'est qu'à 5 lieues d'Arras. Que faisait-il pendant ce trajet? À quoi pensait-il? Comme le matin, il regardait passer les arbres, les toits de chaume, les champs cultivés et les évanouissements du paysage qui se disloquent à chaque coude du chemin. C'est là une contemplation qui suffit quelquefois à l'âme et qui la dispense presque de penser. Voir 1000 objets pour la première et pour la dernière fois, quoi de plus mélancolique et de plus profond? Voyager, c'est naître et mourir à chaque instant. Peut-être dans la région la plus vague de son esprit, faisait-il des rapprochements entre ces horizons changeants et l'existence humaine? Toutes les choses de la vie sont perpétuellement en fuite devant nous. Les obscurcissements et les clartés s'entremêlent, avec un éblouissement, une éclipse. On regarde, on se hâte, on tend les mains pour saisir ce qui passe. Chaque événement est un tournant de la route. Et tout à coup, on est vieux. On sent comme une secousse, tout est noir. On distingue une porte obscure, ce sombre cheval de la vie qui vous traînait s'arrête, et l'on voit quelqu'un de voilé et d'inconnu qui le dételle dans les ténèbres. Le crépuscule tombait au moment où des enfants qui sortaient de l'école regardèrent ce voyageur entrer dans Tinques. Il est vrai qu'on était encore au jour court de l'année. Il ne s'arrêta pas à Tinques. Comme il débouchait du village, un cantonnier qui empirait la route dressa la tête et dit « Voilà un cheval bien fatigué !» La pauvre bête, en effet, n'allait plus qu'au pas. « Est-ce que vous allez à Arras ?» ajouta le cantonnier. « Oui. Si vous allez de ce train, vous n'y arriverez pas de bonne heure. » Il arrêta le cheval et demanda au cantonnier « Combien y a-t-il encore d'ici à Arras ?»« Près de 7 grandes lieues. »« Comment cela ? Le livre de poste ne marque que 5 lieues et un quart. »« Ah !» reprit le cantonnier. Vous ne savez donc pas que la route est en réparation. Vous allez la trouver coupée à 1/4 d'heure d'ici. Pas moyen d'aller plus loin. Vraiment? Vous prendrez à gauche le chemin qui va à Carency. Vous passerez la rivière Et quand vous serez à Gamblin, vous tournerez à droite. C'est la route de Mont-Saint-Éloi qui va à Arras. Mais voilà la nuit, je me perdrai. Vous n'êtes pas du pays ? Non. Avec ça, c'est tout chemin de traverse. Tenez, monsieur, reprit le cantonnier, voulez-vous que je vous donne un conseil ? Votre cheval est là. Rentrez dans Tinque. Il y a une bonne auberge. Couchez-y. Vous irez demain à Arras. Il faut que j'y sois ce soir. C'est différent. Alors, allez tout de même à cette auberge et prenez-y un cheval de renfort. Le garçon du cheval vous guidera dans la traverse. Il suivit le conseil du cantonnier, rebroussa chemin, et une demi-heure après, il repassait au même endroit, mais au grand trot, avec un bon cheval de renfort. Un garçon d'écurie, qui s'intitulait Postillon, était assis sur le brancard de la carriole. Cependant, il sentait qu'il perdait du temps. Il faisait tout à fait nuit. Ils s'engagèrent dans la traverse. La route devint affreuse. La carriole tombait d'une ornière dans l'autre. Il dit au postillon « Toujours au trot et double pourboire !» Dans un chaos, le palonnier cassa. « Monsieur, dit le postillon, voilà le palonnier cassé. Je ne sais plus comment atteler mon cheval. Cette route-ci est bien mauvaise la nuit. Si vous vouliez revenir coucher à Tinque, nous pourrions être demain matin de bonne heure à Arras. » Il répondit. « As-tu un bout de corde et un couteau ?»« Oui, monsieur. » Il coupa une branche d'arbre et en fit un palonnier. Ce fut encore une perte de 20 minutes, mais ils repartirent au galop. La plaine était ténébreuse. Des brouillards bas, courts et noirs, rampaient sur les collines et s'en arrachaient comme des fumées. Il y avait des lueurs blanchâtres dans les nuages. Un grand vent qui venait de la mer faisait dans tous les coins de l'horizon le bruit de quelqu'un qui remue des meubles. Tout ce qu'on entrevoyait avait des attitudes de terreur. Que de choses frissonnent sous ces vastes souffles de la nuit! Le froid le pénétrait. Il n'avait pas mangé depuis la veille. Il se rappelait vaguement son autre course nocturne, dans la grande plaine aux environs de Digne, il y avait 8 ans. Et cela lui semblait hier. Une heure sonna à quelques clochers lointains. Il demanda au garçon « Quelle est cette heure ?»« 7 heures, monsieur. Nous serons à Arras à 8. Nous n'avons plus que 3 lieues. » En ce moment, il fit pour la première fois cette réflexion, en trouvant étrange qu'elle ne lui fût pas venue plus tôt. Que c'était peut-être inutile toute la peine qu'il prenait. Qu'il ne savait seulement pas l'heure du procès, qu'il aurait dû au moins s'en informer, qu'il était extravagant d'aller ainsi devant soi sans savoir si cela servirait à quelque chose. Puis il ébaucha quelques calculs dans son esprit. Qu'ordinairement, les séances des cours d'assises commençaient à 9 heures du matin. Que cela ne devait pas être long, cette affaire-là. Que le vol de pommes, ce serait très court. Qu'il n'y aurait plus ensuite qu'une question d'identité. 4 ou 5 dépositions, peu de choses à dire pour les avocats, qu'il allait arriver lorsque tout serait fini. Le postillon fouettait les chevaux. Ils avaient passé la rivière et laissé derrière eux Mont-Saint-Éloi. La nuit devenait de plus en plus profonde.